ia de milă. A Golgotha, Jésus vaincu Satan sur la croix. Lui et ses démons tous confondus, depuis est livré en spectacle. Les autorités et domination, il les a triomphé sur la croix. Les esprits méchants dans les lieux célestes, il les a vaincus sur la croix. Yesu Yesu Alonga Alonga Bitumba Yawana bisoto bunda kale susute meto kenobile ko rappeler ye au nom de Jésus po ayeba o ya longa ye bisoto zana makasi te ya ko bunda na satana bo bene soka yo ki kombo wana au nom de Jésus ayibike hey oyo nde o abeta kangai alonga hallelujah. Devant les rois des rois, Jésus-Christ, lui et ses démons, tous confondus. Devant les rois des rois, Jésus-Christ. Yangwana mikolo oyo nyonso tozali banda mbula oyelekaki kala elekaki awa na 1999 soki otali tala meme na kartie na bino komona eke bandoki mingi bakondikondi baza susu na sante malamu te oyebi mpo na nini po ete bango balingaka jamais kolia pondu kolia soso ya koboya bango balinga kolia kaka mosuni na mutu bango balinga komela vitalote meme sucre balinga komela kaka makila na bato bango mikolo oyo bato nyonso bayambi yambi yesu kristo bakolia lisusu nani po ete mutu aza na yesu bakoki kolia ye te tala ntina bazali kokonda bazali kolia malamu te soki babongoli mitema te bakokufa bango nyonso o oh! Aleluya yesu sure.